Good drum. Tu

perdu quand on n'attend plus, qu'il ne reste plus que des ombres inconnues. Ok, I play a bass riff. Simple. Start at one. Ready? De ma vie, du matin ma blême. Depuis que t'es parti, depuis que tu m'oublies, je te rêvais plus. Ne faire que t'aimer, ne faire que t'aimer, oh non. Ne faire que t'aimer, ne faire que t'aimer. Tu vis avec lui. C'est la saison des peines. L'hiver dans ma vie. Le froid des matins blêmes. Depuis que t'es parti. Tu m'oublies, tu dors avec lui, tu danses avec lui. Même le soleil est morne, je perds la vie. Depuis que tu es parti, we'll be right back. je disais qu'il n'était pas né s'accrocher sur un texte de Pierre Bachelet. Celui qui ne veut pas guérir. amoureux. Et pour un seul ce sourire, je suis prêt à ouvrir le pays. Diogo, you are clipping!